Vous êtes en vacances en Bretagne. Vous écoutez le bulletin météo. Puis, vous répondez aux questions. Aujourd'hui, temps variable sur l'ensemble de la Bretagne. Frais avec beaucoup de vent sur le nord. Temps ensoleillé sur la côte au sud. Petite pluie à prévoir sur toute la Bretagne en fin de journée. Température un peu fraîche au nord et agréable au sud. 19 degrés à Saint-Malo, 21 degrés à Lorient, 24 degrés à Nantes.